mets mon mal en patience, je suis le mal incarné. Ma passion mise à l'épreuve, malement demande à Carly. Si ça trime dans le 77, tout est écrit, s'il y a crime, c'est que ça tire écrit dans nos dissertes. Le son ma vie, classique et le thème. Chantage, j'ai rendez-vous avec la zig. Plastique et l'hôtel, j'entends parler que de baises et de fusils. Le rap dans le noir et les grands temps de changer d'ampoule et de fusible. Mon châtiment, mourir dans le son, béné dans son charme. Un sentiment exquis de périr dans son châle. Mon fer de lance, m'acharner c'est bien ce que je sais faire. M'accrocher au mic, j'ai de loin ce que je préfère. On trouve toujours le temps long à errer dans l'ombre. Je trouverai bien le chemin de la lumière car j'ai les dents longues. C'est rare quand on m'invite, je veux grailler combler mon appétit sans équivoque. Le son ma vie, j'rappe pour la rue ma clique petit. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie. La rue m'a amené à l'asile, certains en zone, d'autres à l'asile, qui galèrent, qui assis, face au star, qui est la cible. Essaye de suivre ma plume à travers mes récits. Territoire Seine-et-Marne, sur le bord du récif je réside. Comment te dire, cette chose m'a pêché au parcol. Cela pouvant me faire chialer, cette tasse me connaît par cœur. Pour le son, j'dead man, j'fais du ballon, je braque, je tire. Ça sert à rien. Je recharge et je file. La musique. Ma vie, mon cœur, ma maladie, mon paradis sans fin. J'suis le parasite d'une poésie sans faille. Boulevard lyrical, retiens bien l'adresse. Je drague et dresse le son, peu importe mes maladresses. J'pose ma rime, pousse ma rage, mes pauses, j'm'arrête, marche sur le beat juste pour marrer. Voilà du flow, les man. Voilà mon kiff, voilà mon culot. Ok, voilà comment j'aime voir les bails. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie. Difficile d'enregistrer sans gain, si ma baraque est un stud et que ma vie c'est du son. Le rap et mon groupe sanguin, sortez vos feux, tirez en l'air. Deux trois fois le goût du danger n'est plus le même. Après deux trois verres, plongé dans un état second, la rime secours. 2-0-9-1, dégoupille, bel écho secousse. Le tracé de l'encre rouge, reflète mon regard quand le palpitant s'en bat le trajet avec pas mal d'embûches. La rue et le son vont bien ensemble, comme sans équivoque et un bon sens. Je sais qu'on peut s'en sortir qu'en bossant. Ma vie, la plupart des thèmes de mes titres, mes pensées guident mon crayon. On évolue dans le dark pendant que les putes canardent nos rayons. Le son s'empare de ma personne, à mes remparts, y'a pas de rempart. Que les majors empalent. 77, la street école, bête de classe. Révise tes clés de sol, recharge ton fer, aiguise ton schlass. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie. Le son ma vie, que signifie t'aime à ton avis. Voir que ton fils t'aime, bénit ton navire hein. Mon avenir incertain dans ce système fait que m'ôter le son ne fera que m'ôter la vie.